Chapitre 32e. Le chemin de la trahison. Mais Sidi tenait toujours son chauffeur, et il se débattait contre d'autres hommes qui, maintenant accourus, voulaient le lui enlever. Sidi avait compris. Il savait à qui il avait affaire, et voulait d'autant plus garder son prisonnier. « Non » cria-t-il, « vous ne l'aurez pas, celui-là » Jouant des pieds, donnant des coups de savate formidables, il finissait par écarter ses adversaires quand, tout à coup, il lui sembla que le vide s'opérait autour de lui. Dans un dernier élan, ceux qui le combattaient se ruèrent en masse sur lui. Les matraques en caoutchouc se mirent de la partie et frappèrent Dru. Tout autre que Sidi eût été 10 fois assommé. Mais Sidi avait pour lui, nous le savons, le bon dieu des Maboules, et il était doué d'une agilité de singe. Après avoir employé la boxe anglaise, la rajba algérienne, le coup de tête kabyle et la savate parisienne, Sidi eut recours à la manière japonaise quand il vit ses adversaires se ruer sur lui, leurs matraques levées. Il lâcha le cou du chauffeur et se laissa tomber à genoux devant lui. De la tranche de la main, il donna 2 coups sur le tibia de son chauffeur à la hauteur des genoux. Le chauffeur, surpris et sous le coup de la douleur, plia les genoux. Sidi le saisit à la ceinture, l'attira à lui, le fit tomber sur son propre dos. Et ce fut le dos, le crâne du chauffeur qui reçurent les coups de matraque des adversaires de Sidi. Le bon dieu des Maboules algériens ne connaissait pas ce malheureux Européen, qui fut absolument assommé et qui s'écroula en loques lamentables. Ceux qui voulaient le dégager des mains de Sidi, l'aider à fuir, ne purent emporter cet homme, lourd à présent, inerte, embarrassant comme un cadavre. Et pour se sauver eux-mêmes, ils durent, pleins de rage, l'abandonner aux mains de nouveaux personnages qui accouraient. Ces gens étaient Paulin Broquet, quelques hommes de sa brigade, puis Gabriel, Lamorce, qui, malgré leurs blessures, leurs faiblesses, venaient prêter main forte à leurs camarades, et voulait engager de nouveau la bataille avec la bande des aides. La foule des curieux, des badauds qui obstruaient à présent le pont, gêna considérablement la manœuvre de Paulin Broquet. Cela permit aux aides, qui avaient toutes leurs dispositions prises, de s'éclipser promptement, sans laisser aux mains du détective d'autres prisonniers que le chauffeur. « C'est bon, mon garçon, » dit Paulin Broquet à Sidi. « Viens, rentrons. » Sidi obéit, mais il voulut se charger de son prisonnier, le porter sur ses épaules jusqu'au dépôt. Il dut cependant obéir à son chef et le laisser enlever par 2 agents. Lui alors mena Paulin Broquet devant sa voiture qui flambait. Il expliqua au chef comment l'accident s'était produit. Mais Paulin Broquet, ayant déjà jeté un coup d'œil aux 2 voitures, se gratta le menton, alluma une cigarette et dit à ses hommes « Bon, mes garçons, nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons. » Peu après, dans son bureau de la sûreté, il faisait penser Lamorce et Gabriel. Leurs blessures, au demeurant, n'étaient pas, par miracle, très graves. Des écorchures, des entailles de verre, des éraflures, des bleus, rien de sérieux. Paulin Broquet alla, avec Lamorce, le moins endommagé, et Sidi, qui n'avait rien du tout, faire au chef de la sûreté et au préfet de police le récit de l'événement. Puis il revint dans son bureau. « Mes garçons, dit-il à ses hommes, vous avez fait tout votre devoir. C'est parfait. Le vicomte nous échappe, mais nous avons un homme de Zigomar. En somme, nous ne sommes pas les vaincus, et Zigomar, encore une fois, laisse des plumes entre nos mains. » Puis il ajouta, « Donc, ne vous désolez pas, mes garçons, de n'avoir pas pu accomplir votre mission, la mener jusqu'au bout. Je suis quand même content de vous, et heureux de vous voir tout cela, sans plus grand mal, bien vivant et prêt à recommencer. » Paulin Broquet alluma une cigarette et reprit, « Nous devons loyalement reconnaître et déclarer que ces hommes sont merveilleux de courage et d'audace. Ce sont des adversaires splendides qu'il est glorieux de combattre. Notre victoire définitive sur eux sera difficile, c'est certain, vous le savez, mais ce sera un triomphe. » Puis s'adressant à Sidi, « Quant à toi, mon brave Sidi, tu dois avoir vu un savant à lunettes, un rat de bibliothèque, un rongeur de caisse à bouquins du quai. Oui, chef. Erreur, mon garçon. Ce savant était un Américain. Qui a nom Will Wilson. Celui qui... commença Lamorce. Oui, celui qui se trouvait à l'opéra. Celui que Lamorce a vu parlementer avec la belle comtesse Varsovia, dans la rue, non loin de la maison de M. Simonet. À ce moment, la comtesse au parfum blond lui apprenait ce qui s'était passé chez le chef du cabinet du ministre. Car pendant que je prenais le vicomte, elle devait être cachée, sinon dans l'appartement, du moins dans la maison. Elle avait tout vu. Aussitôt, Will Wilson décida cette attaque hardie. Il ne voulait pas laisser en nos mains de ses meilleurs lieutenants. L'organisation de sa bande est admirable. tandis que nous préparions le transport de l'homme roulé dans la portière, ils se disposaient, eux, à nous l'enlever. Alors, pendant que le marquis Don Isigo Martolo, qui est parfois Zigomar, se rendait en visite chez M. Simonet, l'Américain Will Wilson, qui est aussi parfois Zigomar, partait en campagne. Et le vieux savant, qui ce jour-là était également Zigomar, faisait manœuvrer ses hommes sur le pont au change. Ils se lançaient sur la chaussée au risque d'être écrasés par Sidi. Mais comptant sur l'habileté de chauffeur de Sidi, ils savaient que notre voiture ferait à cet endroit un crochet pour éviter le piéton, et ils voyaient venir la voiture qui suivait, voiture vide à ce moment, la direction bloquée pour aller droit et qui devait emboutir Sidi. C'est très hardi, très ingénieux. Le coup a réussi. Passons à un autre exercice. Dans la soirée, Paulin Broquet fumait sa cigarette, ayant emmené dîner chez lui Lamorce et Gabriel, tout en se promenant dans son cabinet de travail. Il demanda à ses lieutenants « Est-ce que vous aviez emmené Félan avec vous en venant me rejoindre chez M. Simonet ?»« Oui, chef. » »« Bon, alors il n'y a pas à douter. La comtesse Varsovia n'a pu certainement donner toute seule tous les renseignements à Zigomar. Elle a été secondée dans sa tâche par quelqu'un, j'en ai la conviction. »« Nous aussi, chef. » »« Ce quelqu'un, c'est Félan. » »« Oui, chef. » »« Eh bien, retarder la punition, c'est faire preuve de naïveté et de faiblesse. » Il faut priver encore Zigomar d'un de ses hommes et faire un exemple. Le lendemain, dans son bureau à la Sûreté, Paulin Broquet réunissait, le matin, ses lieutenants Gabriel et Lamorce et ses principaux seconds, dont Félan faisait partie. « Mes garçons, commença-t-il, nous avons bien pris un homme de Zigomar dans cette affaire du pont au change. Mais nous avons quand même échoué, puisque nous n'avons pu conserver notre principal prisonnier, le vicomte. Or, cet échec, nous ne pouvons l'imputer à une faiblesse de notre part ou à une maladresse. La bravoure des aides y est pour quelque chose, leur organisation merveilleuse également. Mais tout cela n'eût pu leur servir dans cette affaire très rapidement menée si on ne les avait avertis à temps, parfaitement informés. Or, la personne qui a rendu ce grand service à Zigomar et celle qui l'a déjà secondé dans l'affaire de l'opéra, c'est la jolie comtesse Varsovia. Paulin Broquet se tut quelques secondes et reprit « J'ai donc décidé de me débarrasser de la comtesse Varsovia, et cela pas plus tard que ce soir. Il faut agir prudemment, mais vite, pour ne pas donner à la comtesse le temps de fuir, ou à Zigomar de préparer un moyen de défense. Voici donc ce que j'ai résolu. Vers 2 heures du matin, quand la comtesse sera, après une soirée en ville, ou le théâtre, ou un souper avec des amis, sera rentrée, je pénétrerai chez elle. Je l'arrêterai, et je la ferai descendre tout doucement, sans donner l'éveil à la maison jusqu'à la voiture qui l'attendra devant la porte. Cette fois, Zigomar ne pourra être prévenu. Il ne pourra recommencer le coup de loto. Et la belle comtesse, sur laquelle j'ai tous les renseignements nécessaires, contre laquelle j'ai un mandat d'arrêt en bonne forme, ira au dépôt, constater avec désespoir que pour son ami Zigomar, les coups se suivent et ne se ressemblent pas. Puis, Paulin Broquet ajouta, « Pour cette fois, mes garçons, je vais avoir recours au dévouement des seconds. En effet, Gabriel et Lamorce sont trop fatigués, trop souffrants encore, pour se mettre en campagne. Il faut donc qu'ils se reposent pendant quelques jours. Donc c'est toi, Herman, c'est toi, Félan, qui prendrez la place de vos chefs. Je ne doute pas que vous ne fassiez honneur à ceux dont vous allez assumer le service. « Chef, dit Félan, nous ferons de notre mieux pour justifier cet honneur et mériter votre confiance. Merci, mon garçon, j'en suis certain. » Paulin Broquet donne alors à ses deux nouveaux lieutenants les indications nécessaires pour la réussite du plan qu'il avait arrêté. « Toi, Félan, dit-il ensuite, tu prendras la place de Lamorce. J'ai déjà eu occasion de reconnaître ton flair, ton adresse, ta souplesse et ton doigté. Tu iras donc dans la journée, dès ce matin, tout de suite, prendre tous les renseignements nécessaires pour me faciliter l'entrée cette nuit chez la comtesse, pour que je puisse opérer à coup sûr. » Et il ajouta, « Tu as là une tâche difficile, mon garçon. » Zigomar, j'en suis certain, se méfie. Il doit se douter que je soupçonne la comtesse de complicité, et forcément il doit la surveiller, la faire garder par ses hommes. Fais donc attention, ne te laisse pas brûler. Répète-toi tout le temps quand tu feras un pas, une démarche, que Zigomar n'en sache rien. Soyez sans crainte, chef. Félan ajouta. Pour savoir quelque chose, il faudrait que Zigomar me le demandât à moi-même. Paulin Broquet, de même que Gabriel et Lamorce, pouvait seul comprendre toute l'ironie et toute la hardiesse en même temps de cette déclaration sur les lèvres de Félan, du traître. Le détective se mit à rire de ce qu'il voulait prendre pour une plaisanterie. Car, en entendant cette forfanterie, il comprit que Félan ne se doutait de rien, ne soupçonnait rien, n'appréhendait même pas qu'on pût le tenir en méfiance. L'ironie alors devenait double, car c'était celui à qui elle était adressée qu'il acceptait en valeur nulle contre celui qui pensait lancer sa plaisanterie de traître. « C'est donc toi, Félan, » reprit ensuite Paulin Broquet, « qui m'accompagnera ce soir pour l'arrestation à la place de l'amorce. Bien, chef. Je monterai dans la maison, puis toi tu veilleras dans l'escalier pendant que je travaillerai la serrure, car j'ai l'intention de surprendre la comtesse au lit pour mieux l'enlever. Entendu, chef. Tu n'auras qu'à m'aider ensuite à la descendre. » La journée se passa. Herman remplit consciencieusement sa mission. Félan fit de même. Mais Paulin Broquet avait tout préparé contre la trahison. Ses lieutenants Lamorce, Gabriel, avaient, bien qu'en apparence inactifs chez eux, en repos, organisé la contrepartie, ou, pour mieux dire, la véritable attaque, la riposte à une tentative certaine de Zygomar. Tout cela à l'insu de Félan, trop occupé de son côté à manigancer sa trahison. Paulin Broquet, à diverses reprises et sous divers déguisements, avait pu, dans la journée, pénétrer dans la maison qu'habitait la comtesse au parfum blond. Il s'était lui-même documenté. Il avait vu. Il savait.